Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'affaire Marie-Andrée Leclerc. Ce qui est important pour moi et ce que j'ai découvert le plus en vivant ici à Thiergel, c'est d'abord d'avoir trouvé le Seigneur et de m'être trouvé moi-même. Je vis dans la misère, mais dans la misère, j'y découvre l'amour, j'y découvre le soleil, j'y découvre la beauté. Marie-Andrée Leclerc, interviewée clandestinement à la prison de Tihar en Inde par Claude Charest, concurrent à ce moment-là de l'émission La course autour du monde en décembre 1978. Au moment de cette entrevue, Marie-Andrée Leclerc est en attente de la tenue de ses différents procès pour le meurtre de touristes étrangers en Thaïlande. L'affaire Marie-Andrée Leclerc est une des affaires criminelles les plus abracadabrantes de notre histoire. On l'accuse d'avoir participé au meurtre de nombreux touristes avec son complice Charles Sobhraj, dont elle est tombée amoureuse. La première chose qu'il essaie de me faire, c'est de me charmer. Il a pris une demi-heure avant d'arriver dans le parloir de la prison. Il était bien, il s'était pris une douche, coiffé, il s'était bien habillé, il avait un chapeau. Et tout au long de l'entretien, il a essayé de me charmer et de me prouver qu'il n'était pas un criminel. Alors est-ce que maintenant la question c'est de savoir si l'Inde va le refouler, si la France va l'accepter ou s'il va se retrouver apatride? Parce que finalement, toute l'histoire de Sobhraj, c'est qu'il était apatride et qu'il est né, comme vous savez, d'un père indien et d'une mère vietnamienne et que normalement il aurait dû avoir la nationalité française qui lui était refusée. Donc d'après lui, il prétend qu'à partir de 16 ans, il s'est vengé en commençant ses premiers délits, en volant et puis plus tard en tuant. Donc toute sa vie n'aurait été qu'une vengeance contre cette non-nationalité. Le journaliste François Gauthier, qui raconte sa rencontre avec Charles Sobhraj à la prison de Tihar à New Delhi avant sa libération conditionnelle en 1997, déjà dans cet extrait, on a une petite idée du personnage à qui on a affaire. Pour nous raconter l'histoire de Charles Sobhraj et de sa complice, la Québécoise Marie-Andrée Leclerc, dans le meurtre de nombreux touristes américains et européens au milieu des années 70, mon invité, le journaliste Marc Lorando. Marc Lorando, bonjour. Bonjour. Commençons par le commencement, Marc. Avant de parler de la méthode Sobhraj Leclerc, présentons un peu les personnages. Qui est Marie-Andrée Leclerc? Marie-Andrée Leclerc, elle habite Lévis. C'est une secrétaire médicale, métier qu'elle exerce pendant 11 ans. En 1975, elle a 30 ans. Elle patauge dans une vie banale. Elle a une volonté de sortir de l'étouffement. Sa vie s'étiole dans une liaison qu'elle entretient avec un médecin. Elle le dit, elle l'écrit dans son livre. Ouais. Un homme marié. Et qu'elle répugne à le forcer à ce qu'il quitte sa femme et ses enfants pour elle. Et là, ça tourne en rond. Et elle décide de changer d'air et de faire un voyage. D'abord, elle envisage l'Europe, mais pas rapidement, un ancien soupirant, devenu un camarade, s'appelle André Bernier, la convainc de partir avec elle. Ils partiront tous les deux ensemble pour l'Inde et pour précisément la province des Maharajas, ouais. Le Cachemire. Alors, ils vont, à cette époque, il n'y avait pas de lutte violente au Cachemire, ils vont à Srinagar et sur le lac Dal, un endroit très, très, très romantique, où on va sur des houseboats, ce sont des bateaux sur l'eau, et puis il y a des nénuphars, c'est extraordinaire. Et elle y va, il y a un couple qui est là, présent, qu'elle rencontre d'ailleurs sur l'avion, et ils louent un bateau ensemble, et il y a une cinquième personne. Cette cinquième personne s'appelle Charles Sobhraj, et il se présente sous le nom d'Alain Gauthier, photoreporter à Paris Match. Oui. Il usurpe cette identité. La petite Lévisienne tombe sous le charme. Ils font le voyage ensemble, puis ils vont dans plusieurs capitales de l'Inde. Ils vont même en Thaïlande. Et il y a un torride après-midi amoureux dans une chambre d'hôtel où elle est séduite. C'est là que le déclic vraiment se fait. Et puis elle retourne à Lévis par la suite. Ouais. Mais lui va la convaincre de revenir. Comment va-t-il s'y prendre? Par des lettres, des fois 5-6 lettres par jour, par des appels. Parfois, il lui parlait une demi-heure au téléphone pour lui dire « Il faut que tu reviennes ». C'est une avalanche là, de billets fiévreux. Il la réclame à ses côtés. Je vais te marier. Il faut que tu viennes avec moi. Je suis un homme d'affaires riche. Et pour que je réussisse, il faut que tu sois avec moi. Ouais. elle se laisse séduire. Et ça, ce sera fondamental, cette entreprise de séduction dans toute cette histoire. Et la grande question, quel genre d'emprise, au fond, aura Charles Sobhrage sur Marie-André Leclerc? On écoute la journaliste Huguette Laprise qui a couvert cette affaire Leclerc-Sobhrage au moment des procès en Inde, qui a écrit aussi un livre sur le sujet. Elle nous parle de ses impressions sur ce personnage de Sobhrage, à qui elle ne parlera qu'une fois d'ailleurs au moment d'un de leurs procès. Extrait donc d'une entrevue qu'accorde Huguette Laprise à Madeleine Poulain à l'émission Le Point Média en novembre 1993. Il s'est retourné vers moi et puis il a dit comme ça, ben, « Vous voyez, madame, comment nous sommes traités. J'espère que vous allez nous défendre. J'espère que vous allez leur dire au monde entier, vous savez, que c'est un complot contre nous. Nous ne sommes pas coupables. » Il criait. Et immédiatement, en tout cas pour moi, là, le genre de personne que je suis, il m'a été très, très, très, très antipathique. Je n'ai pas tenu d'ailleurs à avoir d'entrevue avec lui. Est-ce que vous avez pu voir quelle sorte de relation il entretenait avec Marie-André Leclerc? Est-ce qu'ils se parlaient entre eux? Ah oui, absolument. Ils avaient l'air d'ailleurs très, très, très, très, très bon amis. Oh oui, ils n'avaient pas l'air du tout à être, disons, ils n'avaient pas l'air d'avoir de différends entre eux à cause de l'arrestation ou de quoi que ce soit. Tout le monde me le disait, comment est-ce qu'il était charmant et que Marie-André était sous ce charme et cette espèce d'ensorcellement. Cette espèce d'ensorcellement, dit Huguette Laprise dans cet extrait, Marc Laurendeau. Quel pouvoir aura Charles Sobhrage sur Marie-André Leclerc? Pouvoir énorme. Ouais. Huguette Laprise, que j'avais aussi interviewé à l'époque, elle lui a parlé seulement une fois, mais elle l'a beaucoup observé. Il a noté que c'était un incroyable manipulateur. On l'appellera par la suite, il y a des biographies qui auront été faites de lui, on l'appellera le serpent. Et c'est juste parce que, évidemment, le serpent, c'est une appellation reptilienne qui évoque l'art de la fuite, de l'esquive, de la séduction, et souvent d'une fin marquée par le poison. Ouais. Alors, c'est tout à fait sa manière de procéder. Et il s'échappe auprès d'un de ses biographes qui s'appelle Richard Neville. Il dit « Tant que je peux parler aux gens, je peux les manipuler. Ouais. » C'est un aveu de taille. Mais c'est vrai qu'elle est constamment, et Huguette Laprise l'évoque, dans son livre et dans ses entrevues à l'époque, la journaliste dit que ce qu'elle observe, c'est qu'elle est encore, Marie-André Leclerc, sous son emprise. Ouais. Amoureuse aussi, j'imagine. Elle le nie dans son livre. Elle dit « Ah, c'était un flirt. » Mais c'était un flirt de grande importance, ouais, là, qui vous amène à revenir sur place et à devenir complice, voilà, de toute une série d'actions. Non, et Charles Sobhrage, c'est quelqu'un qui considère les personnes comme des objets. Il y a eu des analyses qui ont été faites et des documentaires qui ont été faits sur lui, ouais, par la suite. Et c'est quelqu'un qui a aussi pris par la suite le goût effréné du vedettariat. Ouais. Alors, ce qui va le perdre un petit peu par ailleurs, puis on pourra y revenir. Oui. Mais c'est à Bangkok, donc, qu'elle va retrouver Charles Sobhrage, Marie-André Leclerc. Un petit mot sur le contexte, parce qu'il y aura toute cette série d'attaques contre des touristes, éventuellement des meurtres de touristes, mais le contexte, au fond, de l'époque, qui permet plus facilement ça, c'est les années 70. Oui. C'est encore un petit peu le peace and love. Ah, tout à fait. Vers la même époque, j'ai voyagé en Inde, mais pas pour la drogue, pour tout ça, mais on était pour attirés. L'amour libre. Pour l'aspect mystique, pour la civilisation. Et il y avait, à l'époque, des backpackers, les gens qui allaient, au fond, avec bagages minimalistes et qui allaient vivre dans un pays, même une série de pays très exotiques, parce que les voyages l'amenaient partout, là, en Thaïlande, en Inde, au Népal. Et ça, c'était absolument fascinant. C'était la mode à l'époque. Puis alors, il y avait une grande candeur à l'époque. Oui. C'est pas comme maintenant. Maintenant, on surveille. Interpol est très, très rigoureux, vérifie les liens entre les personnes et les passeports, on les regarde. Ce qui est arrivé, quand Marie-André Leclerc quitte l'Inde pour la première fois, elle était allée, rappelons-le, au lac Dal avec Charles Sobhrage. Là, quand elle est rappelée, là, on parle de la fin de l'été 1975. Et c'est là que commence une série de... Les policiers appellent ça « drug and rob », c'est-à-dire que l'on se trouve à droguer les gens, on leur fait prendre des sédatifs et on leur enlève leur passeport, leurs bijoux, leur traveler check, à l'époque, il y avait ça, leur argent, on les dépouille complètement en les droguant. Mais Quand arrive Marie-Andrée Leclerc, on passe à une phase supérieure. Ouais. C'est-à-dire, il y a d'abord ça. Parce qu'elle va participer à quelques-unes de ces agressions où on ne se contente que de droguer et dépouiller, en fait, les victimes, ces touristes occidentaux et américains. Oui. Juste avant d'aller plus loin. Où 75, on est là. Où voilà. 75, c'est ce qui se fait, là. Et pour bien comprendre ce que ça veut dire pour les victimes, Marc, on écoute le témoignage d'une des victimes du couple, Dominique Renello, qui sera même prisonnier du couple pendant 3 mois, imaginez. Il nous raconte sa rencontre avec le couple Sobhraj-Leclerc à l'émission « L'heure du crime » animée par Jacques Pradel et diffusée à RTL en octobre 2014. Je me retrouve dans le North Thailand. Mm-hmm. Je suis un après-midi donc à la terrasse d'un café en train d'étudier une carte pour aller voir une cascade qui est tout près de Chiang Mai. Oui. Quand quelqu'un à côté de moi me dit « Voulez-vous une cigarette ?» Je discute avec ce couple qui se présente comme étant Alain Gauthier et Monique. À l'époque, Sobhraj s'avait appelé Alain Gauthier, et Marie-Andrée Leclerc s'avait appelé Monique, très bien habillée, costume clair, chemise blanche, etc. Et donc, il me dit, il est commerçant en pierres précieuses et bijoux à Bangkok, et actuellement en vacances dans le North Thailand. Nous dit non, c'est très sympathique, il me ramène à l'hôtel, et je passe ma nuit entre mon lit et les WC. Ah bon? Et je me réveille 2 jours plus tard. Donc là, c'était le 27 septembre, je me réveille 2 jours plus tard dans leur appartement à Bangkok. Où là, ils m'expliquent qu'ils sont passés le matin pour me dire au revoir. Et comme j'étais très malade, ils m'ont emmené pour me soigner dans leur appartement. Et vous n'avez aucun souvenir de ce transfert, si j'ose dire? Non, absolument pas. Voilà, pendant 2 jours, j'étais complètement dans le coma. Ça, c'est le procédé, Marc Lerandréau, de cette première époque, là, ce que vous appeliez le « drug and rob ». Oui, et ce monsieur... Dominique Renello est un chanceux parce qu'il est un des derniers à l'été 75 donc, à s'en tirer aussi bien. Par la suite, le gang va se constituer avec Marie-Andrée Leclerc, Jean Duisme, Alain Chouderie, homme de main qui manie le couteau à cran d'arrêt, Marie-Hélène Eater, une Australienne, Barbara Shorill, une Britannique, qui vont devenir par la suite délatrices, là, mais qui sont accusées, qui font partie du gang. Et là, le procédé, on est à l'automne 1975, là. Et là, on liquide les personnes. Carrément. Et la première de cette série s'appelle Theresa Ann Knowlton. Elle est liquidée le 18 octobre 1975, elle a 18 ans. À peine majeure, elle est retrouvée morte et brûlée à Pattaya, le corps vêtu d'un bikini et d'un sac de plastique. D'ailleurs, le fameux bikini, voilà. Ça va donner cette appellation. On appellera cette série de meurtres les meurtres en bikini. Oui, il y en aura 9. Vitali Hakim, un Turc, Stéphanie Paris, décembre 75, mannequin, étranglé, noyé, un couple hollandais, Henricus Bitanja et Cornelia Hemker, sa fiancée, trouvée calcinée en Thaïlande près de Pattaya. Et c'est d'ailleurs... un troisième secrétaire de l'ambassade de Hollande, Herman Knippenberg, qui sera alerté par la famille. Ils ne nous écrivent plus. Qu'est-ce que vous faites? Alors, qui ira les identifier grâce aux empreintes dentaires et qui mènera l'enquête que les policiers n'osaient pas mener l'époque. Ah oui. C'est lui qui sera le fer de lance de tout ça. L'américaine Connie Jo Bronijack, américaine, Laurent Carrière, ensuite un Canadien du Manitoba. Tous les deux exécutés en Noël 75, poignardés, brûlés, rendus méconnaissables aux abords de Katmandou, au Népal. Janvier 76, Alan Jacobs, qui est un touriste israélien, trouvé à Varanasi ou Benares, si vous voulez, alors assassiné. Et j'en ai compté 9. Ouais. Luc Salomon, mort empoisonné, qui succombe au sédatif le 2 juillet 1976. C'est très violent, on vient de le voir. Dans quelle mesure Marie-Andrée Leclerc est consciente de ce qui se passe, quel rôle elle joue dans ces opérations? On l'écoute, accrochez-vous bien, extrait d'une entrevue qu'elle donne à son retour au Canada en 83, entrevue qu'elle accorde au téléjournal. Elle nous raconte comment elle apprend qu'elle est recherchée pour meurtre. Et à un moment donné, je feuilletais simplement sans lire. Je feuilletais le magazine et là, j'ai vu ma photo, la photo de Sobhraj, la photo d'Ajay Chaudhary, en gros. Et il y avait recherché pour meurtre. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai ressenti, mais c'est effrayant. Je ne le sais pas. Ça me fait encore mal quand je pense à ça. C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il avait fait, lui, à ce moment-là, c'est que quand il y a eu ça, j'ai comme fait « un truc comme ça. Alors lui, il a regardé, il était juste en arrière de moi, il a regardé et il m'a enlevé le magazine des mains. Il y a, dans ce qu'on vient d'entendre, Marc Lerandeau, une extraordinaire candeur qui nous amène à nous poser une question. Que c'est Marie-Andrée Leclerc? Ouais. Et quel est son rôle? Sa responsabilité, au fond. Entre parenthèses, cette version que je viens d'entendre pour la première fois, c'est la même que dans le livre, mot à mot. Et il est vrai qu'elle découvre dans le magazine Asia Week, qu'elle est en voiture, qu'elle découvre qu'elle est recherchée. Mais diable, on se trouvait autour de l'été 76 et elle était en cavale depuis un grand bout de temps, là. Et elle avait, suivant plusieurs témoins de la série de 9 meurtres que je vous ai décrites, c'est souvent elle qui versait les poisons. Elle n'était pas une infirmière, elle était une secrétaire médicale, mais il va y avoir une connaissance ou en tout cas un rôle qu'elle s'attribuait ou qu'on lui attribuait là-dedans. C'est elle qui, à l'occasion, versait les poisons. Les témoins racontent ça. Comment pouvait-elle ignorer, quand elle voyait tous ces gens malades à Cannet House, c'est dans la conciergerie à Bangkok où les deux habitaient. Il y avait des gens qui tombaient malades, là, puis... Ça se faisait à répétition. Ouais. Et avoir des gens qui allaient à la plage avec sobrage, puis qui tout à coup disparaissaient, puis on les retrouvait poignardés. Comment est-ce qu'elle n'attachait pas les fils de tout ça? Sa responsabilité, à mon avis, est bien différente de sobrage. Elle est moins grande, mais elle est là quand même. Ouais. Et le livre de Huguette Laprise, et je pense que son raisonnement est assez juste, elle n'a pas la même responsabilité que lui, mais elle ne peut pas prétendre, comme elle le fait dans ce court extrait que nous avons entendu, qu'elle découvre ça tout à coup, là, en lisant le Asia Week. C'est fort en ketchup, comme on dit. Ce qu'elle découvre, c'est qu'elle le recherchait, et puis elle devait le découvrir pas mal, parce que ça commençait, là, la rumeur commençait à se répandre. Ouais. Le Hollandais, le troisième secrétaire d'ambassade, poussait son enquête, puis les policiers, parfois, les arrêtaient, leur demandaient leur passeport. Et comment ils se font prendre, de fait, Marc Ils se font prendre... Très peu de temps, d'ailleurs, après la découverte du Asia Week, là, ils sont à New Delhi, puis il y a des touristes français, des ingénieurs qui sont en visite. Sobrage les rencontre, il leur dit « Vous ne devrez pas boire l'eau. Je vais vous donner des comprimés que vous allez mettre dans l'eau, et ça va vous protéger. » Ils prennent tous des comprimés. Et là, on est à l'hôtel de luxe à New Delhi, puis imaginez les jeunes ingénieurs, ils tombent comme des mouches. Il y en a 20. Et puis, même la guide tombe foudroyée. Alors, ils sont empoisonnés. Il essaie d'en empoisonner 20 d'un coup. Alors là, la direction de l'hôtel est affolée, les retient, appelle la police et on les capture tous. Ouais. Tout le gang. Ils sont tous capturés à ce moment-là. Et c'est là que démarrent les procès. Donc, juillet 1976, leur cavale meurtrière, elle est devenue meurtrière, aura duré 10 mois en tout. Et ils vont attendre quelques années en prison avant de subir leur procès. On revient avec un extrait plus long au témoignage de Marie-André Leclerc, ce qu'on entendait au tout début de l'émission, sur les conditions de sa détention. Elle est à ce moment-là, donc, dans cette prison de New Delhi. L'expérience que je vis actuellement à Tihar depuis près de 2 ans et demi est une expérience tout à fait formidable, même si elle est baignée et baignée de souffrance à chaque jour. Une vie difficile à supporter, des contraintes quasi continuelles, de nourriture et de tout ce que le Canada nous offre de luxe et de confort. La vie à Tihar, eh bien, c'est pas une vie facile, mais cela me permet de connaître un peu le tiers-monde. Alors, quelles seront les conditions de détention de Marie-André Leclerc, Marc Laurendeau? Épouvantable, parce que Indira Gandhi, premier ministre de l'Inde, a fait voter une loi très répressive qui s'appelle la Maintenance of Internal Security Act, la MISA, qui est une loi qui lui permet de consolider sa poigne de fer sur le pouvoir. Et c'est une loi d'exception un peu comparable à notre loi des mesures de guerre. Et ça affecte l'accès qu'on a aux détenus et ça affecte les conditions de détention. Pendant un temps, elle couchait sur une dalle de béton et mangeait de façon très minimaliste. Cependant, elle est prise en main par les religieux qui sont là-bas. Jésuites, capucins, franciscaines, et d'où son espèce de voyage mystique, religieux et même charitable, humanitaire. Et là, elle change un peu. Elle en arrive même à rencontrer Indira Gandhi. 3 fois en 80, 2 fois en 80, 1 fois en 81. Et même, dès 76, il y a une pétition qui s'organise, une pétition de 20 000 noms auprès du premier ministre Trudeau pour qu'il intervienne auprès d'Indira Gandhi. Elle ne le fera jamais. Elle rencontrera Marie-André Leclerc avec beaucoup de courtoisie, mais elle laissera le ministère de l'Intérieur régler cette affaire-là, et donc elle n'interviendra pas directement dans l'affaire. Mais cette pétition dont vous parlez, ça nous amène à parler un petit peu de l'opinion publique canadienne, de l'intérêt. Il y aura des procès, évidemment, qui suivront dans le cas de Marie-André Leclerc et de Charles Sobrage, mais de quelle manière, est-ce que c'est très suivi ici? Et qu'est-ce que pense l'opinion publique de tout ça? C'est pas du tout comme les Sœurs Lévesque, là. C'est-à-dire que les gens croient en partie Marie-André Leclerc, croient qu'elle a été utilisée, manipulée, ce qui est vrai en partie, mais elle a une responsabilité. Et à un moment donné, pour des raisons humanitaires, le gouvernement de l'Inde dit en 83, vous êtes atteinte de cancer, on va vous permettre d'aller chez vous vous faire soigner, et revenez-nous, c'est votre obligation, dans 12 mois. Malheureusement, elle ne viendra jamais, parce que, encore une fois, elle arrive en juillet, 10 mois après, en avril, elle meurt, et son livre va paraître entre-temps. Et elle a été accueillie à l'aéroport de Québec. Elle est lévisienne, n'oublions pas. En triomphe. Oui, les gens la trouvaient sympathique. C'était une victime, finalement. C'était une victime. Et il savait très bien que Sobrage était le manipulateur. Il était à ce point que la famille de Marie-André Leclerc avait engagé le grand criminaliste Raymond Daou. C'était lui qui dirigeait toute l'affaire à partir de Montréal, si vous voulez. Et à un moment donné, Sobrage, tellement manipulateur, a voulu qu'ils aient, elle et lui, le même avocat. Or, ils avaient, je vous le disais tout à l'heure, une responsabilité différente, un degré de responsabilité différente, et des intérêts conflictuels. Il fallait pas que ça soit le même avocat. Maître Daou s'est vivement objecté à ça. Et alors, elle avait pour un avocat protéger distinct. Sa cliente. Oui, c'est ça. Mais il faut dire que le droit en Inde, les conditions dans lesquelles ça se pratiquait, c'était une véritable cour des miracles. En dessous d'un arbre, dans une espèce de dépotoir où les avocats reçoivent leurs clients, c'était pas facile. Mais elle a été, donc, elle a eu un certain soutien quand elle est revenue au Québec se faire soigner pour un cancer de l'utérus. Et ça n'a pas tourner aussi bien qu'elle le souhaitait. Elle était très affaiblie, puis elle a dit, je vais écrire un autre livre où je vais tout raconter, mais là, ce que je vais écrire pour le moment, ça va être ma version sommaire avec plein de photos. C'est ce qu'elle a fait. En quelques mots, Sobrage, Charles Sobrage, qu'est-ce qu'il va devenir, Marc Laurendeau? En 2004, il était libre en France, là, parce que la France l'avait repris. En 2004, il commet l'imprudence, la folle imprudence d'aller au Népal pour tourner un documentaire. Et là, il était attendu au Népal pour 2 meurtres. Il sera condamné pour chacun des 2 meurtres successivement. Il est encore en prison. Aux dernières nouvelles que j'ai vues de lui, automne 2016, il était encore en prison. Même il revendiquait pour des droits alimentaires des détenus. Et figurez-vous qu'il a épousé une jeune fille de 22 ans qui est sa traductrice et la fille d'une personne qui est maintenant son avocate. Incroyable. Voyez sa capacité de séduction, de manipulation qui est continuelle. Moi, je l'ai vu dans des documentaires, il donne des ordres. Il n'écoute pas nécessairement. Les gens sont comme des objets autour de lui et il fascine. Il donne des ordres. Vous allez faire ça, vous allez faire ça. Et ça marche. Et il dit à un journaliste, vous allez me poser telle question. Vous allez me poser telle autre question, telle autre, vous ne la poserez pas. Il donne des ordres constamment. Marc Laurendeau, journaliste, ami de l'émission. Merci beaucoup, Marc. Merci, c'était un immense plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.